quelle sera la couleur de ses cheveux? Est-ce que nous nous marierons? Et quel sera son prénom? Maintenant je sais. Maintenant